j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cette rage, elle a disparu. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je vais garder que ce doux visage qu'a vu l'épave sur le sable mouillé.